Ça se voit que t'es une grosse putain, que tes clitoris tient. Toujours sur mon 31, le sale mon quotidien. J'ai matché avec toi, j'ai swipé sur la gauche. Glock 17, j'en prends soin, j'ai ride toute la nuit. J'ai mis une bouteille à la mer, et j'suis dans des hommes mortes. Ça va pas, pas des gens à frapper aux portes. Attiré par le vide, si je restais au port. Ils m'ont attrapé en Afrique, m'ont forcé à marcher au nord. Ce navire n'est pas sûr de rentrer, une fois mieux de rester au port. Comprends que c'est pas un jeu quand tu peux plus remonter au score. Tu vas rien faire, tu peux rien faire, cousin, tu sais très bien. Niquez vos grand-mère.fr, tiens, c'est le lien. Je veux pas tanner à y aller, attendu par les Raéliens. Guerrier sénégalais, quelques drones israéliens. Remballez, remballez, remballez, vous ne valez rien. Remballez, remballez, remballez, let's go. Ça se voit que t'es une grosse putain, que t'es clitoridien. Toujours sur mon 31, les Allemands quotidien. J'ai matché avec chouin chouin chouin, j'ai swipé sur la gauche. Glock 17, j'en prends soin, j'ai raidé toute la nuit. Niggas claiming to be sad, but they don't know the noir. Started with a fouchette in the trap house cooking raw. Bitch, I'm from Fontamara, I never knew my dad. That mean I'm a bastard, I will kill you when I'm hungry. My boozin' say I fuck good, but I'm better with the AK. Goes, I'm in a Chevy, hunter run next to me, pussy. Go night, get my mom, lil' boozin' to me, you no danger. Leave holes in your face, your chest, your back, cause I don't shoot straight. Niggas always talking shit, I pay that shit no mind. Always on no grass, out of focus, east to stack it up. Stack it up, unale, unale, unale, unale. Let's get it. Go get it, go get it, go get it, bitch. Don't be no duck. Ça se voit que t'es une grosse putain, que t'es clitoridien. Toujours sur mon 31, les Allemands quotidien. J'ai matché avec chouin chouin chouin, j'ai swipé sur la gauche. Glock 17, j'en prends soin, j'ai raidé toute la noche. Quoi que tu fais, j'parle, un qui est tout de moi. Ça, sur des vagues de quiche, ça.